apparemment le rap est mort. Temps mort, la Renault seul témoin. L'MC applaudit pour démon. Ça vend des places, rap des démons. Ferme ta gueule ou t'es mort. Flo à la youth, get hotel et son décor. Tous ces soucis vont en dégoût. Sans oublier qu'un jour MC faudra rendre des comptes. Cette vie c'est du minicom. Pousser la faute à qui la faudra. Justice et toutes ces fins, j'monte là. Par au toi, j'aime si j'annonce ton défunt. Comme un porc à la tête, ça se sont fait mal. Comme un coup de flashball dans le terrain. 93 c'est dans le ghetto que t'atterris. J'peux aller même causer ça depuis que j'suis petit. Je présente MOU2S, Eric sort par là, la pluie qui t'affichera, la balle meurtrichera. Patinage comme Eddy Murphy, laissez son dans un meufi. Tous ces petits bourgeois sans méfier. Mental diable, tu suis plus, j'peux rien à bouger. Les petits équipants, l'équipe MC pour bouger. Fin des vices qui vont défiter son allongé. Trop de distance entre nous, ont besoin d'une rallonge. J'rappe pour les mecs des blocs, sort le bloquant, ça débloque. Tire dessus quand tes soucis de bord qui perd pas ses couilles quand les quêtes débarquent. 93 dans porte à vue, ma rue. Pas de quoi se casser des barres, on voit du shit même à des pattes. Sauvons la plate tournante, MC rien que ça débute. Faut que les putains tournantes qui se mangent des cousins, c'est du haut débit ça. T'aille de la bœuf et du déchissa. Ce France, ça veut décrocher le million. Tourne dans des trafics, les morts tragiques et long trajet. Bel aigle, la SS, faut pas se faire cramer. Le but ça réalise, mal à la fin, faut faire tes valises. À fond, on compte des valises. Quand ça tape dans l'œil, t'es mal barré. La prison au bout du couloir, t'es en bavé. L'argent facile, ça fascine, la noyade dans une bassine. La police, depuis tu peux nous faire balise. Font les balais, c'est franc, vive, toi tu balises. On fait fumer les braises, ça cueille, j't'allume. Briquet, sans ce, c'est franc, t'as connu la censure. Ça fait longtemps qu'on encaisse, les procédures s'entassent. La France, une pétasse, qui met ses chiens en détresse. Un gros cocktail pour que ça s'allume. Fait monter la pression pour que les chiens renforcent sa lune. Sandrine, t'es une salope, et c'est comme ça qu'on t'appelle. Tchaf, nous ça qu'on s'appelle, ramasse ton corps à l'appel. C'est franc, vive, pas d'arcor, anti-Porsche, j'te le rappelle. Ok, c'est mort, ça y est, c'est RF. J'suis déter sur le son du Terre-Terre 3. Nique les putes, les boucaves et les hnouchas. Ce morceau, c'est pour ceux qui touchent le RSA. J'suis choqué quand le Front National est en deuxième voie. Nique ta mère, tu te reconnaîtras. Ni pute, ni soumise, mais c'est quoi ça? Une pute reste une pute, même si elle se lave 15 fois. Et si un mec t'embrasse, c'est un schlag, quoi. À vie, j'assutera tous les 6 rats. Et j'te jure, tu pourras toujours compter sur moi. Ok, ok, on est ok. Si t'as une pute, ok, fais la tournée. Ça sert à rien d'avoir un million et de se faire buter. Ça sert à rien d'avoir une meuf qui t'a quitté. En pleine incarcération à ta zapper. Tu as pris de la prison ferme. Pour elle, t'as fait un braquage. Repartir à la case départ. Allez, redéplie, vite fais ton pactage. N'oublie pas dans la vie. Tu peux que compter sur ta famille. Le rap, c'est Hemi. Pour tous les mecs incarcérés en zombie. Oni, Fleury, Mérogis, Bois d'Arcine, freine la santé. Nanterre,